Bon, eh ben ça y est. Il est temps, il est l'heure. Attention. The Music Machine. The Music Machine. Je l'ai. On a failli ne pas l'avoir. Ouais. Bah. Un effort. On l'a entendu jusqu'au bout, ce jingle. Avec tous les crépitements du vinyle. Oui, c'était sur vinyle à l'époque, les jingles. Hein. Ouais, ça croustillait au four, c'est comme ouais. Un plat qui va cramer. Là. Non, vous rigolez, mais c'était le grand monsieur des jingles dans les années 70-80. Hein. Il s'appelle Yannick Chevalier. Ce soir, c'est Jadoul qui pilote. Et sa voix super connue. Hein. C'est lui qui faisait tout dans les discothèques, dans les fêtes foraines. D'ailleurs, on les entend toujours aujourd'hui. Et c'était la base pour créer un jingle. Il y a de tout. Hein. C'est gagné, c'est perdu. Je peux tous vous les sortir. On a la chance de l'avoir ici dans la trappe. Et on a la chance qu'il nous a fait un jingle à nous. Ce soir, c'est Jadoul qui pilote. Il était... Je vais pas dire qu'il était sympa, mais il l'a fait. il fait de tout. Nous allons pousser les décibels au maximum pour vous faire pénétrer au son des nouveautés dans l'autre musique. Ouais, c'était un peu épileptique le truc, mais ouais, c'était sur des gros vinyles et t'achetais. Tu pouvais pas faire des montages de jingle à l'époque. Donc t'achetais un grand vinyle avec dedans plein de sons. Et ton père peut nous en parler d'ailleurs, Maëva. Oui, il a un vinyle. Ouais, il m'a envoyé la photo sur mon Facebook Jadoul, la photo du vinyle de Yannick Chevalier. Et donc c'est avec ça qu'on crée les jingles. Ouais, il a fait de tout. Hein. Numéro 1 de tous les hits parades. Ah, je pourrais écouter ça durant des heures. Bon, on va peut-être pas faire ça. Ok, d'accord, j'ai compris. On se recentre sur le blanklet avec notre huissier de justice. Ouais. Attends, Maëva, on a changé de... Alors, maîtrise pas est parti, mais hein, c'est mettre les voiles. Ouais, je viens du sud. Ah oui, donc la mer, tout ça, mettre les voiles. Ouais, oh, mettre les sardines sur les bras et tout. Je sens les poissons. C'est pas cliché. Ouais, c'est pas cliché. Pas du tout, ouais. Ok, donc... On va éviter que vous parliez. Ouais, je vous emmènerai un jour, on va faire un petit tour. Et vous savez quoi? Juste les points. Et on va se limiter à ça au niveau des interactions, d'accord? Les points. Ok. Je vais vous demander d'arbitrer. Arbitrer, hein. D'accord, c'est bien. Maëva, tu es prête? Oui, oui. Kix aussi? Oui. Titre artiste, c'est ce que vous devez me donner en écoutant cette cover qui vient de TikTok. Accrochez-vous. Je l'ai. Mais non. J'en ai un. Ah. Une fois peut-être dans ma vie. Enfin peut-être. Avicii. Bonne réponse. Titre Kix. Ça se trouve. Hey brother. C'est hey brother. Lui c'est l'imprimante. Hey brother. Yes. Bon, je pense que. Moi Kix, j'avais trouvé une vache qui beugle. Une vache qui beugle. Vas-y, remets-le. Ah oui, c'est ça. Oh bien. Deux vaches qui beuglent. Ouais, je vous trouve assez dur parce qu'ils chantent en couple et pour moi c'est bien réussi. Vous savez quoi? J'ai l'impression qu'on est au spectacle de fin d'année. T'es obligé d'aller voir ta nièce qui est en spectacle. Et t'es là, elle fait « Allez-y, hein, je filmerai la prestation. Papa filme. Hein. » Oui. Vas-y, ouais. Ma chérie, t'es trop fort. Oui. C'est ma fille, là. Ouais, c'est elle qui passe, là. Regardez, c'est celle qui chante, là. Chante bien. Elle a fait The Voice. Rester là peut-être un bon. Que l'enfant chante comme ça sans aucun dynamisme, il a le droit, on l'a obligé à chanter. Mais ces gens-là, ils ont pris la décision de faire cette petite chose. Majorité vaccinée. Pour mettre un petit peu de dynamisme. Enfin, je sais pas, montre que t'es contente, t'as envie d'enregistrer. Non, pas besoin. Pourquoi faire? Bon, je vous propose de passer tout de suite au deuxième. De cette grande. Ça fait un point pour Kix. Oui, merci. Et jusque-là, on avait suivi, donc on n'avait pas besoin d'un huissier de justice. Okay, Allez, on y va, deuxième. C'est parti. Laisse-moi être comme toi. Indochine. Oui. Laisse-moi être. Le manoir. Non. Non. Ah, il faut se rattraper là. Hein. C'est avec la madame. T'as trouvé tantôt dans le Face. Ah non, t'as pas trouvé en plus. Non, elle avait pas trouvé Indochine dans le FaceTime. Je répète, elle n'a pas trouvé Nicolas Serkis dans le FaceTime alors qu'elle est fan. C'est la plus grande fan, hein. Il lui a touché la main. Pan. Deux fois. Et pas que. Je le dis. Il dira pas ce qui s'est passé dans la loge. Il est plus vieux que mon père. Ah, je sais plus. La chanson s'appelle Le Grand Secret. Ah oui. Alors j'ai les frissons dès que j'entends ce titre. Il est incroyable. Bah, je l'aime pas tellement, moi. Ah ouais? J'aime pas la, enfin, j'aime pas la madame avec qui il chante. Bah, elle va être contente. Ouais, voilà. Désolée, madame. Bon, déjà, je sais pas qui t'es. De deux, j'aime pas ta musique. Elle vient démonter Serkis en une émission, bah, comme jamais elle l'a fait. Arrête, je savais qu'à quel point je suis fan. T'as même dit que tu préférais la version de TikTok. Si un jour on pouvait s'en aller. Oh là là. Mais si un jour on pouvait se quitter. Monsieur, baissez la tête. Ah, je vous avais prévenu. Dommage. Merci. Kisses. Kisses. C'était quoi? Je voulais entendre. Kisses. Oh, bisous au pluriel en anglais. Oh. Heureusement que notre traductrice est là. Hein. Oh là là, bon, ça fait quand même un point pour Maëva à mettre les voiles. Ouais, ça fait un point pour Maëva. Ouais, t'as même préféré toi en bateau. Ouais. Ça fait 1-1. Ouais. Ouais. On y va, troisième manche. Ça va envoyer du lourd, je vous le préviens. Ok. Ah. David. Time after time. Queen. We are the champions. Pas de doute, Maëva, grande vainqueur. Hein. Jusqu'au bout. Bien. Encore une note, peut-être. Ah oui, c'est le même. Mais oui, c'est le même, c'est ce que je dis. Ah oh là là. Moi, je l'ai envoyé, j'avais déjà oublié. Il est fou. Il est complètement fou. Ça va envoyer du lourd, je vous le préviens. Ah bah ça, tu nous avais prévenu, ouais. Oh là là. On dirait à la limite une voix de dessin animé tellement... Oui. Un petit cartoon. Il pourrait faire doubleur, en fait. C'est vrai, c'est vrai. On rigole, mais il pourrait faire doubleur. Non, nouveau métier. C'est un monsieur, franchement, que je suis sur TikTok, juste pour l'émission, mais que, franchement, il me fait bien marrer. Et il a beaucoup d'audace et il gère très bien tout ça. C'est un personnage. Exactement. Un peu comme nous, au final. Oui, mais nous, oui, oui, c'est vrai. Nous, on était censés être professionnels. On était censés être professionnels, c'est vrai. Mais quand tu lis, c'est vrai que... Bon, mettre les voiles. Ouais, ça fait 2 pour Maïva et 1 pour Kek. Allez, Kix, il y a moyen de maintenir l'égalité. Pourquoi je vis? Grégory Marchal. Non, non, non, non, il l'a repris, mais c'est Daniel Balavoine de base. Et c'est SOS d'intérêt en détresse. Mais Eva, t'as quand même un point parce que t'as dit SOS d'intérêt en détresse, ce que Kix n'a pas dit, mais la version qu'on avait, c'était Grégory Le Marchal. C'est possible. Jamais eu les pieds sur terre. C'est une reprise. Oui, mais le TikToker a écrit Grégory Le Marchal, donc on va prendre ce qu'il a voulu interpréter. TikToker est bête. Ouais, bah voilà, désolé. Bravo Kix, bravo Maëva, un partout monsieur Maître les voiles. Ouais, c'est ça. On a massacré Grégory Le Marchal, on n'a même pas écouté une seule seconde. Bah, c'est qu'on veut écouter la version TikTok. Hein. J'ai jamais eu les pieds sur terre. J'aimerais mieux être un oiseau. Je suis mal dans ma peau, je voudrais voir le monde à l'envers. Il me semble que j'avais fait un discours là, une ou deux semaines oui, pour mais ça. L'équipe ouais. de prod t'as pas écouté. Hein. Que j'en avais marre qu'on prenne des chansons avec la mauvaise instru. Oui, oui, oui. Bah, en fait, comme il a son synthé et qu'il fait tout à la main, bah, il le fait comme il le sent. Donc, ça veut dire qu'on passe quand même de. J'ai jamais eu les pieds sur terre. À cette version-là. Au grand loto de l'univers, j'ai pas tiré le bon numéro. Oh yeah. Je suis mal dans ma peau. J'ai pas envie d'être un robot. Ça mélange entre Gainsbourg et... Ouais, je sais pas si c'est ça en fait. Ouais, il y a un mélange. Pourquoi je vis? Pourquoi je meurs? Pourquoi je crie, pourquoi je pleure? Oh bah, te fatigue pas, mec. Hein. Non, vraiment, vraiment. Oui, parce que derrière ça, il a sorti une autre cover sur TikTok. J'ai déjà bu mes litres de bière. Jean-Michel, on se rappelle. J'aimerais bien te boire un fût. Oh, mais je n'en ai plus. C'était incroyable, ça. C'était une pépite. Je vois que le fond de mon verre. Juste pour le plaisir. Mais s'il n'y a plus que de l'eau, je veux redevenir alcoolo. Attends. Alcoolo. Oh merde, je me suis niqué la voix. Je veux... Oh Jean-Michel, je l'aime. Fou, un grand moment de la radio. Je l'aime profondément, ce mec. On en a combien dans les points mettre les voiles? Ça fait 3-2. 3-2? Oui. Bah Kix, Kix garde l'avance hein, parce que tu peux au moins avoir... Il prend un peu l'accent belge, 3-3. J'ai l'impression. Il est parti du sud, il est remonté en Belgique. On prend ce qu'on a. voici le tout dernier de ce Blanklet de ce mercredi 26 avril 2023. All by myself, Whitney Houston. Non. Oui, c'est pas la version qu'on a. Mince, moi je dis n'importe quoi. Céline Dion l'a fait. Bonne réponse. Écoutez cette voix. Parce qu'à un moment, dans la chanson, elle envoie quand même. Elle va faire un « Oh ben !» Elle va aller comme... super haut. Comme Jean-Michel. Pardon. Non, ça n'a rien à voir. Écoutons la version TikTok de Brian. Vocale, elle va lâcher. Oh. Non mais attendez, il faut qu'on en parle. Ça veut dire que le Brian là, quand il rentre après en cours ou chez lui, je sais pas quel âge il a, mais il est là. Oui. Non mais j'ai fait des TikTok. Ah ouais, on peut voir ce que ça donne. Ouais, ok. C'est une petite fille, maman, c'est une petite fille. Il a fait une Jean-Michel, hein. Ouais. Écoutez, il s'est vraiment étouffé. Terminé. Là, les cordes vocales, quand elles font le clac, c'est que vraiment, là, c'est terminos. Ah, je suis fan. Est-ce qu'on peut faire le bilang, mettre les voiles du sud? Ouais, mettre les voiles du sud. Ouais, j'en fais... Vous avez... C'est le seul mec. On lui fait ça va Jadoul? Oui, ça va Jadoul. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On est où là? Oh. Allez, Kix, fous une grosse claque à mettre les voiles pour qu'il se concentre. Oh putain, c'était violent. Mais Kix, il va croiser son regard à la tête là. T'étais un peu fort. Mais doucement quoi, c'est pas ce qu'on a dit. Alors, avec l'accent du sud, ça vous fait 4 à 2. J'ai rien compris. 4 pour Maeva. Avec l'accent du sud. Ok, 4 pour Maeva. Voilà. Ça fait 4 pour Maeva et 2 pour Kix. Ah. Maëva est grande vainqueur de ce Blanklet édition mercredi 26 avril. Yeah. On